Palerme, première partie de La Sicile et l'éruption de l'Etna en 1865, un récit de voyage de M. Élisée Reclus. Il commença à faire jour. Lorsque notre bateau à vapeur dépassa le promontoire de Zafarana et se dirigea sur le port de Palerme. L'air était encore froid et le vent qui soufflait directement en face tordait nos barbes et nos manteaux, mais nous grelottions avec courage car la ville célèbre était en vue et le panorama tant de fois admiré de la Conque d'Or se déroulait lentement devant nous. Un nuage rose révélait la prochaine arrivée du soleil et l'immense espace compris entre les cieux, la terre et les flots s'emplissait de lumière. Dès qu'un rayon de flamme eut percé comme une flèche la nuée qui s'étendait à l'Orient, une longue traînée d'éclairs brilla tout à coup sur la surface des eaux, les cimes des monts s'allumèrent comme des phares, les grandes ombres décroissantes s'accusèrent nettement, le relief se fit dans la vaste plaine qui semblait uniforme, les contours de plus en plus précis, les couleurs de plus en plus éclatantes réveillèrent la nature endormie et la ville blanche, émergeant des vapeurs qui l'entouraient, apparut dans toute sa grâce rayonnante au milieu de sa forêt d'orangers. Le port de Palerme est situé au nord de la ville, non loin de la base de ce superbe Monte Pellegrino, dont les flancs, semblables aux murailles d'une forteresse inaccessible, gardent à l'ouest l'entrée de la baie. Un môle, qui passait encore au commencement de ce siècle pour une des merveilles de l'architecture hydraulique en Sicile, sépare ce port de la haute mer et le protège contre les vents de l'est et du nord-est. C'est à l'abri de ce brise-lame que vont mouiller les bateaux à vapeur. Mais là, on se trouve encore assez loin de la ville, et pour gagner Palerme, il faut s'embarquer de nouveau et faire une traversée de plus d'un kilomètre dans la partie la plus ouverte de la rade. Par un beau temps, on ne saurait s'en plaindre, mais quand souffle le vent de rage et que la houle du large vient faire danser les barques et se briser avec fracas contre les grèves, on se dit tout bas que les ingénieurs auraient bien dû arranger les choses autrement et trouver un moyen d'amener les grands navires jusqu'aux embarcadères de Palerme. Les passagers vont prendre terre au pied de l'église de la Catena, dont le beau portique, qui rappelle la loge de Florence, se compose de trois arches elliptiques soutenues par des colonnes de marbre gris et donnant accès à trois portes de style Renaissance ornées de feuilles et de fruits admirablement sculptés. L'église de la Catena est ainsi nommée d'une chaîne massive qu'on y attachait pour fermer l'entrée des deux ports de Palerme. En 1063, cette galère pisane, s'élançant avec force contre cette chaîne, la brisèrent par le choc de leurs proues, s'emparèrent de tous les navires chargés de marchandises qui se trouvaient dans le port et rapportèrent à Pise un immense butin. On s'en servit pour bâtir la célèbre cathédrale. La petite crique qui s'étend devant l'église de la Catena et dont le rivage est le rendez-vous des Lazzaroni a gardé son ancien nom arabe de Cala. C'est là tout ce qui reste des vastes nappes d'eau diversement ramifiées qui avait fait donner à la cité son nom de Panormos, tout port. Le terrain sur lequel sont construites les maisons de Palerme a subi les mêmes changements graduels que le sol de La Rochelle. Cette dernière ville occupait autrefois une roche, Rupella, qui tenait au littoral de la Saintonge par une étroite péninsule, tandis que de nos jours, elle se trouve dans une plaine d'alluvions et que son port communique avec la mer par un long chenal vaseux. De même, la ville de Palerme était bâtie autrefois sur une péninsule que deux larges bras de mer isolaient à droite et à gauche de la terre ferme. Soit que les divers conquérants qui se sont succédés en Sicile aient comblé ces baies intérieures par des amas de décombres, soit que les deux petits ruisseaux de Palerme aient apporté assez d'alluvions pendant le cours du siècle pour forcer ainsi la mer à reculer, soit qu'il y ait eu dans cette partie de la Sicile, comme sur les côtes de la Saintonge, un phénomène de soulèvement graduel de toute la contrée, il est certain que l'ancienne presqu'île de Palerme est perdue tout entière dans les atterrissements et les grands ports qui entouraient la ville ne sont plus représentés que par l'insignifiant bassin de la Cala. Les flots de la baie ont incessamment reculé devant les terres envahissantes. D'ailleurs, on voit encore, non loin de la gare du chemin de fer de Termini, un témoignage remarquable du changement de niveau qui s'est produit depuis les siècles du Moyen-Âge. Un pont normand connu sous le nom de Ponte del Ammiraglio, en souvenir d'un compagnon de Roger, développe ses arcades pittoresques non plus comme jadis au-dessus de la petite rivière de Loreto, mais au-dessus d'un champ beaucoup plus élevé que le niveau actuel du cours d'eau. On ne peut s'empêcher de croire que la terre a poussé dans son mouvement de croissance à soulever l'édifice. En se promenant dans la ville, on peut encore suivre en certains endroits les contours des anciens bras de mer. Plusieurs ruelles sinueuses sont les sentiers qui longeaient autrefois le bord des grèves et nombre de sentiers infectes marquent les emplacements des dernières criques où s'évapora l'eau marine. Toutefois, la disposition actuelle des quartiers de Palerme ne dépend aucunement du relief topographique. La ville forme un quadrilatère presque régulier, et ce quadrilatère lui-même est coupé en quatre parties égales par deux rues de plus d'un kilomètre de longueur qui se coupent à angle droit au centre mathématique de Palerme. Les gouverneurs espagnols, qui ouvrirent ces avenues régulières vers la fin du XVIe et au commencement du XVIIe siècle, avaient surtout en vue de plaire à la Sainte Inquisition en traçant ainsi le signe de la croix sur la ville entière. Leurs travaux de percement se bornèrent à l'ouverture de ces bois qui devaient leur faciliter indirectement l'entrée du ciel et qui devaient en même temps assurer à jamais la possession de Palerme à Sa Majesté très catholique. Quant au quartier de Palerme, compris entre les branches de la croix, ils gardèrent leur labyrinthe de rues étroites, tortueuses et malsaines. Encore de nos jours, ces parties de la ville ont leur antique physionomie sarrasine et ce n'est pas sans une certaine appréhension que l'étranger ose s'y aventurer. Aussi, parmi les visiteurs de la Sicile, un grand nombre, et notamment ceux qui affectent de ne sortir qu'en voiture, ne connaissent de Palerme que les deux rues principales et les allées extérieures. Pour se rendre à Monreale, à la Ziza, à San Martino, ils remontent dans toute sa longueur la rue de Toledo, appelée aussi Corso Vittorio Emanuele. Pour aller parcourir les allées du jardin anglais ou se diriger vers la gare du chemin de fer, ils suivent dans l'un ou l'autre sens la rue transversale de Maqueda. Ils voient et revoient tous les jours ces vulgaires étalages de marchandises anglaises ou françaises, ces boutiques de journaux grossièrement construites sur le modèle des kiosques parisiens, cette population plus ou moins cosmopolite qui s'établit dans toutes les villes d'Europe, sur les grandes avenues commerciales. Quant à la véritable Palerme, celle où n'habitent que les fils du pays, artisans, petits bourgeois, gentilshommes appauvris, moines, mendiants ou voleurs, la plupart des étrangers se contentent de l'entrevoir, là où les sombres ruelles, aux pavés sales et raboteux, aux maisons branlantes, aux fenêtres pavoisées de guenilles, viennent déboucher dans l'une des deux rues qui constituent toute la Palerme officielle. Néanmoins, le nouveau débarqué qui se borne à flâner sous le trottoir de la rue de Toledo remarque déjà sur ce terrain banal bien des choses qui sont de nature à l'étonner. Mettant le pied sur la terre de Sicile, on est tout naturellement porté à croire que sous ce beau ciel, au milieu de cette nature charmante, l'homme lui-même se met en harmonie par la grâce et la noblesse de ses traits avec tout ce qui l'entoure. À cette idée, subie par ceux-là même qui ne s'en rendent point compte, se mêlent les souvenirs de la poésie et des arts de l'Antiquité qui jettent un reflet de leur beauté sur les peuples riverains de la Méditerranée. On s'attend à voir sous le costume moderne les types admirables de la statuaire grecque, mais hélas, on est bientôt détrompé. Le mélange des diverses races qui se sont rencontrées à Palerme, Sicules et Phéniciens, Carthaginois et Grecs, Romains, Goths, Arabes, Normands, Espagnols, Italiens, ne s'est point opéré d'une manière heureuse. Aucun nouveau type de beauté, comparable à ceux d'autrefois, n'est issu de ce croisement. Palermitains et Palermitaines ont en général été très lourds, disgracieux, presque barbares. En voyant cette population, on ne peut échapper à l'idée qu'elle a été graduellement enlaidie par l'ignorance, la superstition et la misère. Ce n'est point impunément qu'on traverse de longs siècles d'oppression. Le despotisme ne se contente pas d'avilir les âmes et de déprimer les intelligences, il enlaidit jusqu'aux masques eux-mêmes. En parcourant les divers quartiers de Palerme, on est surpris de voir un si petit nombre de femmes, même aux heures où la circulation est la plus active. La foule est presque en entier composée d'hommes. À part les dames et les demoiselles de la colonie étrangère, anglaise, allemande, américaine, que d'ailleurs il est facile de reconnaître à leur teint et à leur démarche, on n'aperçoit guère que de rares femmes du peuple travaillant çà et là dans les magasins ou devant leurs portes. L'aspect général de la ville est assombri par tous les passants en vêtements noirs qui longent les bords de la chaussée comme deux processions de fourmis. On cherche du regard quelques robes aux couleurs gaies, qui contraste avec tout ce lugubre défilé de paletots et de chapeaux à haute forme. D'où vient que la palermitaine reste ainsi claquemurée dans sa demeure? Il n'est pas probable qu'elle soit uniquement retenue par la crainte d'altérer la fraîcheur de son teint en s'exposant au soleil et à la poussière. Si l'on en croyait les étrangers domiciliés à Palerme, les indigènes auraient conservé de leurs ancêtres musulmans la féroce passion de la jalousie. Ils surveilleraient leurs épouses comme s'ils étaient de vrais pachas et leur interdiraient autant que possible la sortie du harem. On ajoute du reste que par une conséquence bien naturelle, cette claustration des femmes nuit à leur vertu. Quoi qu'il en soit, il ne faut point oublier que Palerme fut pendant plus de 2 siècles une des villes de prédilection des Sarrasins et que Tunis est seulement à une journée de navigation. On ne saurait s'étonner que les mœurs palermitaines se ressentissent en effet de la double influence du voisinage et de l'ancien état social. Si les dames sortent peu, en revanche, le bourgeois de Palerme, qui s'ennuie peut-être dans la compagnie de sa prisonnière, aime beaucoup à dépenser son temps loin du foyer domestique. Toutefois, il est économe, comme l'était, parmi ses nombreux aïeux, le Carthaginois et l'Arabe, et ce n'est point lui qui se permet de dépenser follement ses revenus dans les cafés ou les théâtres. Ces institutions de luxe ne sont guère fréquentées que par les Italiens du continent ou les étrangers. Quant au rentier palermitain, il va passer la plus grande partie de la journée sur les sofas de quelques chambres largement ouvertes sur le trottoir de la rue de Toledo. Là, il voit passer tout à son aise le flux et le reflux des passants. Il cause des scandales du jour avec ses amis. Au besoin, si la conversation tarit, il peut s'assoupir, versé par les rumeurs de la foule. Dans ses cercles, point de journaux ni de livres, point de billard, de jeux de dames ou de jeux d'échecs, pas même de liqueur. Les associés ne cherchent aucunement à s'instruire ou à faire travailler leurs mains. Il leur suffit de tuer le temps sans avoir à délier les cordons de leur bourse. Leur seule dépense est d'acquitter le loyer de cet observatoire où ils se sont installés pour voir, bourgeois eux-mêmes, le petit monde des passions bourgeoises défiler devant eux. Aux fenêtres grillées des étages supérieurs, d'autres regards suivent aussi le va-et-vient de la foule. Ce sont les regards des religieuses qui, pour louer le rez-de-chaussée de leur demeure à des profanes, se sont cloîtrés sous les combles. Un jeune médecin piémontais, qui se trouvait précisément chargé d'un travail de statistique morale sur la population de Palerme, voulut bien, avec une extrême complaisance, me servir de cicérone dans la ville et me faire part du résultat de ses études. Son enquête lui avait révélé de telles misères et de tels abîmes de honte qu'il en était amené parfois un véritable désespoir et qu'à chaque instant du jour, il pensait à s'enfuir pour aller retrouver la paix de l'âme dans ses montagnes natales du Val d'Aoste. Ce qui contribuait à l'exaspérer encore plus, c'est qu'en sa qualité d'étranger et de piémontais, il avait à braver dans chaque palermitain cette verve railleuse dont s'arment toujours contre leur maître les peuples habitués à changer de servitude. Il est probable que par réaction contre toutes ces inimitiés et ces moqueries, le pauvre savant n'avait pas su garder la sérénité de sa pensée et jugeait trop sévèrement la population de Palerme. Mais les documents officiels, qui lui servaient de point d'appui, constatent que l'état moral de la ville sicilienne est en effet bien déplorable. Au commencement de l'année 1865, il n'y aurait pas eu moins de 4 à 5 000 affiliés à cette ligue secrète de la mafia, dont les membres s'engagent solidairement à vivre de tromperies, de fraudes et de vols de toute espèce. À cette époque, encore si rapprochée de nous, la plupart des commerçants et des industriels étaient obligés, pour vivre eux-mêmes et continuer librement leur métier, de payer la dîme de leurs revenus au chef de la redoutable association. On peut dire que la ville tout entière obéissait en même temps à deux pouvoirs, celui de l'Italie et celui de la mafia. Cette dernière puissance est d'autant mieux écoutée que ses ordres consistent en simples signes, en gestes, en regards, en attouchements, en paroles mystérieuses. L'inconnu lui prête toutes ses terreurs et parfois un coup de poignard prouve qu'elle a aussi ses juges et ses bourreaux. Les effets d'un pareil régime sur le commerce sont faciles à deviner. Les entraves que ces exactions traditionnelles apportent aux échanges et d'un autre côté l'indolence générale des habitants ont laissé la capitale de la Sicile dans une grande pauvreté relative. Palerme est 2 fois plus peuplée que Gênes et cependant elle est 5 fois moins riche en proportion. Précisément à l'époque de mon voyage, un fléau, bien plus terrible que la mafia, désolait les environs de Palerme et les deux provinces limitrophes de Trapani et de Girgenti. C'était le brigandage. À la faveur du changement de régime politique et du désarroi temporaire qui s'en était suivi dans toutes les parties de l'administration sicilienne, les voleurs du pays, vrais bédouins auxquels ils ne manquèrent que le burnou, s'étaient empressés d'aller battre les campagnes pour détrousser les voyageurs. De petites bandes se formèrent ainsi sur divers points du territoire, puis après le vote des lois de conscription, se grossirent rapidement de centaines et de milliers de réfractaires. Les levées régulières de soldats ayant été jusqu'alors inconnues en Sicile, un grand nombre de jeunes gens, évalués en certains districts au cinquième ou même au quart de tous les appelés, trouvèrent moyen de se soustraire au service militaire par l'émigration, la fuite ou le brigandage. Toute sécurité disparut dans les campagnes des provinces occidentales. Même les abords des grandes villes furent menacés, et plus d'une fois, les bandits se risquèrent dans les faubourgs de Palerme. Quelques villages écartés, dont les habitants étaient à moitié victimes, à moitié complices, servaient de retraite aux brigands, et ceux-ci, grâce à leur connaissance du pays et des hommes, grâce également à la difficulté d'accès que présentent leurs montagnes, pouvaient échapper facilement à la poursuite des troupes régulières. Sous l'influence de cette hideuse guerre de ruses, d'escarmouches et de meurtres en détail, le pays était menacé de retomber promptement à l'état de barbarie. Si l'on ne s'était enfin décidé à faire opérer toute une armée contre les bandes qui tenaient la campagne. D'ailleurs, il paraît que jamais les brigands siciliens ne se sont rendus coupables d'abominations semblables à celles que l'on raconte de certains chefs des Calabres et des Abruzzes. Mais la plupart d'entre eux sont d'une ignoble lâcheté. Par une vieille habitude, politesse obséquieuse, ils regardent le plus souvent avec humilité les voyageurs riches qui sont devenus leur proie. Un ingénieur, que le hasard me donna pour compagnon de route entre Palerme et Termini, me conta qu'ayant été saisi par les brigands, il avait été invité respectueusement à descendre de voiture. « Saluez son Excellence !» s'écria le chef. « C'est un galantuomo, un riche !» Et, tout à côté, ces mêmes scélérats venaient de renverser un pauvre charretier à coups de bâton et de le laisser sur le sol baigné dans son sang. Heureusement, le brigandage n'est qu'un accident passager dans l'histoire de Palerme, et bientôt, sous l'influence des livres, des journaux et des écoles, qui conquièrent incessamment les nouvelles générations, la mafia elle-même, cette corporation du vol et de la fraude, aura disparu comme tant d'autres institutions léguées par le Moyen-Âge. Il serait bien triste de penser que la population de cette ville, si gracieusement située, put rester condamnée à la malpropreté, à l'ignorance, à la superstition, aux rivalités mesquines. Au contraire, le mouvement qui emporte aujourd'hui l'Europe vers un meilleur état social nous permet d'espérer que Palerme progressera plus rapidement que d'autres cités déjà plus avancées et que l'étranger n'y éprouvera bientôt plus ce pénible contraste qu'offre la barbarie réelle d'une si grande partie des habitants et cette admirable nature, cette baie aux contours gracieux, ces magnifiques jardins, ces avenues de palmiers, ces promenades d'érythrines aux grappes de corail. Qu'il serait facile d'être heureux à Palerme, s'écrie-t-on en voyant cette ville charmante. Dans cette atmosphère clémente et sur cette terre féconde, qu'il serait aisé de vivre en paix avec soi-même et avec ses semblables. Et pourtant, bien peu de cités ont été plus infortunées que Palerme la Felice. Il en est bien peu dans notre Europe qui semble avoir plus de progrès à réaliser pour prendre part au grand mouvement de la civilisation contemporaine. Vraiment, on serait tenté parfois de croire à la vérité de cette inscription qu'un célèbre misanthrope bienfaisant de Palerme a fait graver sur la porte de l'hospice des fous « C'est ici qu'habite la sagesse ». Puisque je parle de cet établissement si remarquable, je ne saurais négliger de dire qu'en effet la sagesse y habitait, du moins dans la personne du directeur, le baron Pisani. Cet homme généreux, indigné par les traitements atroces que l'on faisait autrefois subir aux fous, avait consacré sa vie et sa fortune à faire entrer la paix dans ses pauvres intelligences obscurcies. Dans sa maison, les gardiens ne se servaient ni de chaînes ni de gilets de force. Les lunatiques, accueillis comme des hôtes respectés, n'entendaient que des paroles amies, ne recevaient que des traitements humains, et plus d'un, parmi eux, ne connut le bonheur que dans cet asile. L'air pur, la bonne hygiène, les habitudes régulières, un travail librement choisi, tels furent les moyens de guérison choisis par Pisani. ceux de ces malades qu'une immuable mélancolie ne condamnait pas à se promener solitairement dans les jardins, prirent tous quelques métiers et contribuèrent, chacun pour sa part, à l'entretien ou à l'ornementation de sa maison. Les uns se firent cuisiniers, cordonniers, tailleurs, maçons. D'autres, qui manifestaient du goût pour les arts, tracèrent des allées, creusèrent des grottes et des fontaines, élevèrent des palais et des théâtres en miniature, sculptèrent des statues, couvrirent les murailles de fresques plus ou moins baroques. L'un d'eux, dans une vaste composition allégorique, figura le triomphe du génie de la douceur sur le monstre de la cruauté et sur la folie elle-même. Au-dessous de cette fresque sont suspendues de lourdes chaînes, symboles de celles que brisa Pisani. Actuellement, l'institution continue d'être dirigée d'une manière générale suivant les principes du fondateur. Mais on affirme que le zèle pour les améliorations s'est bien ralenti, et que diverses distinctions basées sur la fortune des malades ont introduit dans la population de l'hospice des rivalités fâcheuses. En tout cas, les patients du sexe masculin paraissent être beaucoup mieux traités que les folles. Soit que par un reste déplorable de superstition, les Siciliens voient dans la femme un être inférieur ne méritant pas les mêmes soins que l'homme, soit que la démence et la folie produisent des effets beaucoup plus irrémédiables dans les organismes féminins, les visiteurs ne peuvent s'empêcher de remarquer un pénible contraste entre les parties de l'établissement consacrées à chaque sexe. Quel spectacle horrible que celui de ces êtres qui furent jadis des femmes et qui sont maintenant des animaux accroupis contre les murailles et couverts de haillons sordides. On dirait d'immondes figures de pierre si de ces formes immobiles, de ces faces grimaçantes et féroces, ne jaillissait un regard étincelant qui vous suit et vous glace. Les autres établissements publics de Palerme, hospices, écoles ou collèges, ne peuvent guère attirer la curiosité des visiteurs étrangers. Mais parmi les monuments proprement dits, il en est plusieurs des époques sarrasines et normandes qui offrent le plus grand intérêt. Tels sont les restes des palais mauresques de la Cuba et de la Ziza qu'ont ensuite restauré et gâté les princes normands et les seigneurs espagnols ou napolitains. Telle est aussi la cathédrale qu'un archevêque, anglais de naissance, Walter of the Mill, fit construire à la fin du XIIe siècle et qui, depuis cette époque, n'a cessé d'être rebâti partiellement, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Sur cet entassement de murailles de styles différents, s'arrondit une coupole moderne de mauvais goût. Aussi faut-il se hâter d'examiner les détails d'architecture pour échapper à l'impression que produit la médiocrité de l'ensemble. La façade occidentale est de beaucoup la plus belle portion de l'édifice. Réunie à la tour du Beffroi par deux arcades ogivales qui passent au-dessus de la rue à 20 mètres de hauteur, cette façade est elle-même surmontée de deux tours semblables à des minarets tronqués. Les trois portes gothiques, aux parements de marbre jaunis par le soleil, sont décorées de sculptures merveilleuses de fini représentant des feuilles d'acanthe et des branches entrelacées. Parmi les plus célèbres édifices religieux du Moyen-Âge, il en est peu dont l'ornementation soit à la fois plus riche et plus gracieuse. Palerme n'a pas moins de 200 églises ou chapelles. De tous ces édifices religieux, le plus remarquable est sans contredit la Cappella Palatina, située dans le palais royal, bizarre assemblage de constructions sans ordre et sans goût. Un grand drapeau flotte sur le porche, des sentinelles marchent d'un pas régulier sur le pavé de la place et dans les corridors. Mais, indifférent à tout cet appareil militaire, l'étranger peut fort bien, sans s'inquiéter du moindre qui vive, pénétrer dans les salles, parcourir les galeries, errer de cour en cour et de la cave au grenier. En accomplissant ainsi son voyage d'exploration dans le palais, le visiteur ne peut manquer de découvrir le charmant oratoire connu sous le nom de chapelle palatine. La galerie d'accès est tapissée de mauvaises fresques et d'autres prétendues œuvres d'art qui ne permettent guère de se figurer la splendeur de la salle dans laquelle on va pénétrer. La porte elle-même est décorée de ridicules bas-reliefs en marbre blanc représentant des cérémonies royales où des généraux et des laquais font de magnifiques effets de chapeaux à claques, d'habits à la française et de faux mollets. Mais que l'on fasse un pas de plus, et l'on se trouve dans un vaisseau de proportions admirables et d'une richesse éblouissante. La chapelle palatine, monument tout à fait unique dans son genre, réunit à la fois, par une combinaison des plus harmonieuses, les diverses beautés de l'art byzantin, de l'art mauresque et du roman. La petite chapelle, longue de 26 mètres à peine, est une église complète, avec sa nef, ses bas-côtés, son chœur, ses trois absides. Les colonnes de granit ou de marbre, surmontées de chapiteaux diversement sculptés, soutiennent une voûte multicolore que hérissent de nombreux pendentifs semblables à ceux de l'Alhambra. Jusqu'à hauteur d'appui, les murs sont couverts de petits cubes de marbre et de porphyre entremêlés en arabesques d'une étonnante variété de dessins. Au-dessus, tout le pourtour de l'enceinte n'est qu'une vaste mosaïque représentant, en figure un peu roide et grossièrement exécutée, mais noble et pleine de sentiments, les principales scènes de l'histoire juive et chrétienne. Le chœur est élevé de plusieurs marches au-dessus de la nef. Une haute coupole, percée de fenêtres étroites, laisse tomber sur le pavé de marbre une faible lumière dont le reflet va se perdre sous les sombres façades. Parfois, un rayon de soleil, porté pour ainsi dire sur des vapeurs d'encens, plonge obliquement dans l'intérieur de la chapelle et de son pinceau lumineux, qui passe avec lenteur sur les murailles, révèle successivement les groupes de mosaïques, les arabesques, les inscriptions, les sculptures des colonnes. Le tableau est le plus saisissant au point de vue de la couleur, lorsque le prêtre, couvert de ses vêtements d'or et de soie, officie en pleine lumière sur les hautes marches de l'autel et que par le contraste, la congrégation est seulement à demi entrevue dans l'ombre de la nef. La cathédrale de Monreale, qui couronne un contrefort du Monte Caputo, à 4 km au sud-ouest de Palerme, est un monument de l'époque normande à peine inférieur en beauté à la chapelle palatine et de proportions beaucoup plus considérables. La route qui monte vers Monreale traverse un long faubourg où, malgré la poussière et les ordures, l'odeur dominante est celle des multitudes d'orangers de la plaine. Au pied de la colline, on laisse à droite ce fameux couvent des Capucins où tous les moines trépassés sont séchés au four, puis rangés comme des figures de cire dans les niches de galeries souterraines. De nombreuses gravures ont fait connaître l'aspect de ces horribles collections de cadavres que leurs frères encore en vie parfument d'eau de senteur et décorent de bouquets et de rubans pendant les jours de fête. Les femmes n'ont point le droit d'entrer dans cette nécropole, comme si les moines, même après la mort, étaient exposés à rompre leurs vœux. Par leur masse énorme, la cathédrale de Monreale et le monastère adjacent semblent former la moitié de la ville, amas sordide de maisons où l'on ne trouve pas même d'auberge, pas même de café, et qui compte pourtant une population de près de 20 000 âmes. L'extérieur de l'église n'offre rien de remarquable comme architecture, si ce n'est les absides aux arcades entrecroisées, aux assises de marbre alternativement blanc et noir. Les deux portes de bronze sont des œuvres fort belles. Celle du nord, qui date de la fin du XIIe siècle, est entourée de mosaïques et divisée en 28 compartiments, dont chacun représente une scène de la vie de Jésus-Christ ou renferme la figure d'un prophète ou d'un apôtre. De gracieuses arabesques d'une belle exécution séparent chaque sujet. La porte occidentale, encadrée dans un porche où les ornements mauresques se mêlent aux romans et aux byzantins, est l'œuvre du célèbre grec Bonoano de Pise, l'un des architectes de la tour penchée. Il paraît que les bas-reliefs de la porte de bronze de Monreale, représentant les scènes principales de l'histoire biblique, sont tout simplement une reproduction de ceux de la cathédrale de Pise, qui furent détruits par un incendie en 1596. Les figures, assez grossièrement exécutées, sont vigoureusement conçues et l'ensemble de toutes les scènes produit un grand effet. Il est fâcheux pour la gloire de Bonanno que de ces deux portes, ce soit précisément celle de Pise, l'une des étapes du chemin de tous les artistes, qui était détruite par le feu. Lorsque les deux battants de bronze sont ouverts et que l'on peut embrasser d'un coup d'œil tout l'intérieur de la cathédrale de Monreale, on reste frappé d'étonnement car aucune des églises du nord de l'Europe et de l'Italie ne donne une idée de l'effet produit par la nef de cet édifice à la fois mauresque et byzantin. Là aussi, les architectes ont su donner à l'exemple un aspect étrange et formidable. Mais ce n'est pas en excluant la lumière ou en la dénaturant par des vitraux comme dans les cathédrales gothiques, ce n'est pas en enfermant les ombres indistinctes sous des hautes voûtes où se perdent les pensées en même temps que les regards. Non, les rayons du soleil pénètrent librement dans la nef de Monreale et révèle toutes les magnificences de l'architecture, tous les détails des arabesques. La voûte, soutenue par des poutres dorées, brille des couleurs les plus éclatantes. Le marbre, le porphyre, la serpentine s'unissent pour faire de l'édifice une merveille de splendeur et de richesse. Tandis que le mystère domine dans les églises du Nord, et qu'on s'y sent ému par une frayeur vague, dont il est difficile de se rendre compte, ici, dans l'église byzantine, c'est la vue d'une figure se dressant en pleine lumière qui doit agir directement sur les âmes. Toute la partie supérieure de l'abside centrale est remplie par une grande mosaïque représentant le buste colossal du Christ Pantocrator. Solennel et terrible, le juge lève la main droite comme pour bénir, mais dans la main gauche, il tient le formidable livre où se trouve écrite la condamnation des vivants et des morts. Son regard triste est implacable comme la fatalité. On voit que les décisions pour la vie ou pour la mort éternelle y sont déjà prises d'une manière irrévocable. Tout le pourtour de l'église est couvert de mosaïques racontant en groupe sévère les faits principaux de l'histoire biblique. Mais loin de distraire l'attention de la grande figure qui remplit la nef de son regard puissant, toutes ces formes qui s'agitent ne sont autre chose dans la pensée de l'artiste qu'une solennelle procession des siècles devant le juge éternel. Le couvent de bénédictins annexé à cette église unique dans son genre renferme également de fort beaux restes de l'architecture sicilienne du Moyen-Âge. Le cloître, l'un des plus grands que l'on connaisse, est entouré d'une galerie quadrangulaire de 216 colonnes disposées deux par deux et toutes décorées de sculptures différentes. Les unes sont polies, les autres cannelées, d'autres encore tordues en spirale. Il en est qui sont couvertes de mosaïques, de bas-reliefs, de guirlandes. Les chapiteaux représentent soit des feuillages ou des fruits, soit des animaux étranges, des scènes de chasse, des tournois, des scènes historiques ou bibliques, des miracles. Parfois, ce ne sont que de simples arabesques. Sur les 216 chapiteaux, il n'en est pas un seul qui soit la reproduction d'un autre, tant l'imagination de l'artiste a su varier les formes. Quant au reste du monastère, il n'offre guère que de riches appartements modernes où se prélassent les capitaines et les majors de la garnison. Quelques toiles, entre autres un chef-d'œuvre de Pietro Nobelli, représentant Saint Bruno et ses disciples, ornent les parois des galeries. Mais le plus beau tableau est certainement la vue que l'on a des balcons du couvent sur la Conque d'Or et sur les montagnes escarpées qui l'entourent. Directement en face, de l'autre côté de la vallée de Loreto, on aperçoit la ville de Parco, bâtie sur une terrasse entre deux précipices. Une route serpente au flanc de ces escarpements, gagne un col ouvert entre deux cimes arides, puis, disparaissant et reparaissant tour à tour dans les ravins et sur les contreforts, développe ses sinuosités dans la direction de l'ancienne colonie d'Albanais, connue sous le nom de Piano dei Greci. C'est par une marche entreprise hardiment à travers ces montagnes que Garibaldi s'empara de Palerme en mai 1860. Les troupes napolitaines le poursuivaient sur la route de Piano dei Greci et croyaient déjà pouvoir l'acculer dans une gorge lorsque soudain Garibaldi se jeta vers le nord, descendit dans la plaine, derrière les napolitains lancés à sa suite et renversant à la course tous les obstacles, pénétra dans la ville où la population insurgée l'accueillit avec transport. À moins d'une lieue à l'ouest de Monreale se trouve un autre couvent de bénédictins non moins grand et non moins riche que le premier. Ce monastère, consacré à San Martino, ressemble à une énorme caserne et barre presque entièrement une vallée enfermée de tous les côtés par de hautes montagnes. Les moines, tous riches et de familles nobles, qui se sont établis dans cette espèce d'abîme, à la base de roches nues, n'ont pas manqué, suivant l'habitude des religions de leur ordre, d'embellir leur palais solitaire de fresques, de tableaux, de statues, de grandes collections de livres et de manuscrits. La communauté de San Martino se targue d'être la plus opulente de la Sicile. Aussi ne cesse-t-elle de dépenser des capitaux considérables en œuvres d'art et en embellissements de diverses natures. Sans aucun doute, les richesses accumulées dans cette seule maison dépassent en valeur tout ce qu'il y a de meubles et d'argent dans les villages populeux situés plus bas sur la route de Palerme. Le musée du couvent contient de beaux tableaux de Van Dyck, du Dominicain, de Novelli, d'Annibal Carrache, des milliers d'objets d'art datant de l'Antiquité, du Moyen-Âge, et parmi de nombreuses reliques, jusqu'à la vraie coupe dans laquelle Socrate but la ciguë. Malheureusement, tous ces trésors sont distribués sans goût, et tant de choses médiocres se mêlent aux œuvres vraiment belles ou curieuses, que l'attention se fatigue bientôt. On se sent l'esprit soulagé d'un grand poids, lorsqu'on se retrouve enfin dans la libre nature, au bord du petit ruisseau qui parcourt le vallon sous l'ombre des peupliers et des pins d'Italie. La plus haute montagne des environs de Palerme est le Monte Cuccio ou Gaguzzo, qui n'a pas moins de 1050 mètres d'élévation et dont les escarpements se redressent précisément au-dessus du vallon de San Martino. j'aurais voulu gravir cette pyramide dont l'on contemple une vue des plus grandioses sur tout le littoral de la Sicile orientale et du côté de l'Orient, sur le groupe des monts Madonia. Mais lorsque je me trouvais au pied de la montagne, il était déjà tard et je n'avais plus le temps d'escalader les pentes avant le coucher du soleil. D'ailleurs, s'il faut tout dire, je n'ignorais point que les brigands tenaient la campagne dans les environs de Palerme, et toutes les fois que je voyais surgir, derrière les roches, un ou plusieurs paysans, armés de carabines, comme le sont la plupart des Siciliens, je ne pouvais me défendre d'une certaine émotion. « Quelle chance, me disais-je, si les malandrins me traînent dans une grotte et réclament 100 000 francs pour l'excellenza qu'ils auront capturée. Et puis, s'ils devaient me couper une oreille, puis l'autre, puis le nez. Décidément, le Montecuccio est trop. D'ailleurs, il se fait tard et j'ai faim. Rentrons à Palerme. » Heureusement, si je n'escaladais pas le Montecuccio, je ne manquais pas de faire le lendemain l'ascension de la plus haute pointe du Monte Pellegrino, dans les flancs duquel s'ouvre la fameuse grotte de Sainte-Rosalie, tant de fois décrite par les voyageurs. Le Pellegrino est une forteresse naturelle de 20 kilomètres de circonférence, où l'on ne peut accéder que par un éboulis de roc sur lequel on a établi les tournants de la route en escalier qui descend vers Palerme. Jadis, cette montagne était une acropole où s'enfermaient les combattants expulsés de la ville. Pendant la première guerre punique, Amilcar Barca s'y maintint durant 3 années contre tous les efforts d'une armée romaine. Le piton central, qui s'élève à 590 mètres de hauteur, ne laisse pas que des tracés difficiles à gravir. Au-dessus de l'endroit où cesse la route des pèlerins, il faut se glisser entre les pierres aiguës, se hisser à force de bras sur les rochers, éviter les branches pointues et les broussailles. Mais on est bien récompensé de sa peine par l'éblouissant panorama qui se déroule autour du sommet. À ses pieds, on voit s'étaler la grande ville avec ses rues, ses places, ses routes qui rayonnent dans la campagne, puis se bifurquent encore pour s'enfoncer dans les vallées ou gravir en lacets les escarpements des monts. La Ziza, la Favorita, toutes les charmantes villas de la plaine des Orangers se montrent éclatantes de blancheur dans leur nid de verdure. Les hautes cimes, aux teintes violettes, se développent en amphithéâtre autour des jardins de Palerme et se prolongent vers l'Orient, de crête en crête, jusqu'au mont neigeux des Madonia, au-delà desquels se dresse comme un nuage blanc ou doré la masse fumante de l'Etna. En bas, s'étend la mer, si profonde qu'on dirait un autre ciel, plus bleu que celui d'en haut, et que les voiles éparses semblent autant d'oiseaux planant dans l'atmosphère. Tous les contours du rivage sont d'une netteté parfaite. Le littoral est rythmé, pour ainsi dire, par une succession de baies semi-circulaires et de promontoires escarpés. Voici le Caltafano, qui semble à Monte Pellegrino en miniature. Plus loin, c'est la terrasse qui porte la ville de Termini. Plus loin encore, la pointe de Cefalù. Enfin, dans l'immense éloignement, à 160 km de distance, s'allonge comme une ombre bleuâtre le cap d'Orlando. Au milieu de la mer, s'élèvent comme des pyramides au-dessus de la brume les 3 hautes îles d'Ustica, de Felicudi, d'Alicudi. Parfois même on distingue le groupe vaporeux des îles Lipari et Bolcano. C'est bien sur la tour de Monte Pellegrino qu'on aurait dû graver cette inscription espagnole du palais de la Ziza, « De l'orbe Europa et sonor, de Europa Italia Vergel, Sicilia compendio del, y esta vista le major. » L'Europe est la gloire de l'univers, l'Italie est le jardin de l'Europe, la Sicile résume l'Italie, et de toutes ses vues, celle-ci est la plus belle.